3, casse ma bouteille, sur le premier qui l'amène. Aucun style vestimentaire, je prends un selfie dans l'ascenseur. Quand on est riche, on devient beau. J'suis pas assez riche, j'suis toujours moche. Ma DeLorean, j'la ravitaille, j'la réhabilite. Je change les jambes, j'mets du 20 pouces, j'suis blindé les vitres. Le cendrier, rempli de spiff, rempli de club, club, club. Avec le bol, j'fais vide le stock, je grille les stops. Et ta critique, en pilotage automatique sur le périph. Le canon du flingue planqué dans mes poils de bite. J'ai tout gagné comme le Real. Je tourne dans l'Oréon. Au petit matin, je mets du whisky dans mes céréales. Je quitte le zoo. Je compte mes sous. Je vais rentrer sous. Je regarde la météo. Aujourd'hui, le ciel est bleu. J'ai déjà mis le plein. J'ai changé les roues. Je tourne en ville dans ma DeLorean. Je tourne en ville dans ma DeLorean. En faisant la vitre, l'air de la verre, c'est de la frappe, c'est pas de la guigne. J'suis bipolaire, je redeviens sec dès que je gicle. Je ne gagne pas, je ne perds pas, ce n'est qu'un cycle. J'arrête le chill, je redeviens hyperactif. J'ai au tapis, je vis dans une cinématique. J'ai pas d'horaire, pas de patron, ni d'impératif. J'ai pas ton temps, tu te nies trop, pourquoi tu t'agrippes? Le nez qui coule, yeux dans les vides, c'est pas la grippe. Ma chanson d'amour, si j'ouvre mon cœur, c'est le compte de la crypte. Balenciaga, Valentino, mon genre de trip. Je leur chie dessus, ou les vomis, ça vient des tripes. Je quitte le zoo, je compte mes sous. Je vais rentrer sous, je regarde la météo. Aujourd'hui le ciel est bleu, j'ai déjà mis le plein. J'ai changé les roues. Je tourne en ville dans ma DeLorean. Je tourne en ville dans ma DeLorean. Je tourne en ville dans ma DeLorean. Pied au tapis, je vis dans une cinématique. J'ai pas d'horaire, pas de patron, ni d'impératif. 25 minutes, un angle speak, c'est mathématique.